passionné. Au pâté, on mirage, t'es bien là, tout vent, moins fascinant, t'es bien réel. Qu'on flash, ça magnifique, oui, ça tellement magique, ou en beauté, moins possédé, moins. C'est un doux sentiment, on mélange à la fois des bonnets et des folies. Oh, chaillez-moi si planète à l'amour, et montrez-moi tout ça qui perd. En vérité, moi d'accord pour moi suivre, à ces galaxies à l'amour. Chaillez-moi sur planète plein de tendresse, et montrez-moi tout ça qui perd. En vérité, moi d'accord pour moi suivre, parce que moi-même j'ai passionné. Qu'est-ce que moi amourez-vous de vous? Amourez-vous, moi love de vous. Comme moi j'ai fait des caresses à vous. Sans trahir, comme moi j'ai soif de vous. Qu'est-ce que moi amourez-vous de vous? C'est fouille passion, moi en fous de vous. Érotique ou satellite, moi assis orbital en mou. Con papillon et lumière, on abeille et belle fleur attire moi possédé. Tout ça sans moi excité, l'amour j'ai transi, moi des bourrons j'ai passionné. C'est un doux sentiment, on mélange à la fois les bonnets et la folie. Qu'est-ce que moi amour et vous? Amour et vous, moi l'homme de vous. Comme moi j'ai fait des caresses. Sans trahir comme moi, j'assois de vous. Qu'est-ce que moi amourez-vous de vous? C'est puis passion moi, moi soif de vous. Comme moi j'appelle des caresses à vous. L'amour ça magnifique, c'est une folie qui douce. L'amour ça magnétique, magnifique. Qu'est-ce que moi amourez-vous de vous? Amour est fou pour moi pour de vous. Comme moi j'appelle des caresses à vous. Sans trahir comme moi j'assois de vous. Amour est fou.